Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Parler à quelqu'un qui vit des combats. J'aimerais te dire que Dieu est avec toi et tu triompheras dans ce combat. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Réveille-toi, invoque le nom de Jésus, parce que celui qui est en toi est plus puissant, plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, les sorciers, les mystiques, ils ont peur de toi. Ils connaissent qui est Jésus-Christ. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. 1 Corinthiens 13, 1 à 7. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens 13, 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Quel passage merveilleux. Il y a deux grandes vérités que je vais partager avec vous. La première vérité est celle-ci. Les dons spirituels utilisés sans amour n'ont pas d'importance devant Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aspirent aux dons spirituels. Peut-être que tu veux parler en langue. Tu parles même en langue et tu te dis, moi je suis spirituel. Peut-être que tu as les dons de prophétie. Les gens viennent chez toi. Aujourd'hui, il y a même des gens qui disent avec exactitude les noms des ton père, le nom de ta mère, Dieu leur donne des révélations. C'est bien. Mais ici, Paul dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, ici le mot grec qui est traduit par charité, c'est le mot agapé. L'amour agapé, c'est l'amour divin, l'amour inconditionnel. Ce n'est pas cet amour dont parlent les jeunes gens. Quand tu vois une jeune fille, tu veux sortir avec, tu dis je t'aime. Non, ce n'est pas ça. C'est l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Lorsque tu peux parler en langue, tu parles en langue, des langues des hommes, les langues des anges. Mais si tu n'as pas l'amour, ça ne sert de rien. Vous voyez, il y a des gens, tu parles en langue, tu as des révélations. Oui, Dieu t'a révélé. Oui, que tel est sorcier, tel est sorcière. C'est pourquoi il y a même des gens, parfois ils révèlent. À quoi ça sert lorsque tu pries par exemple pour quelqu'un, un pasteur? Voici les erreurs que les jeunes serviteurs font. Tu vas prier pour la délivrance de quelqu'un et tu dis voilà, celui qui t'envoûte c'est ton grand frère, celui qui t'envoûte c'est ta maman. Maintenant ça crée la division. Maintenant la personne est là, peut-être qu'elle parle en langue, mais la personne a des problèmes. Tu ne peux même pas parler avec tes parents. À quoi ça sert tes dons spirituels? Il dit encore, je suis un erré qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, c'est-à-dire, tu as des révélations. Dieu te révèle tout ce qui se fait dans le monde des ténèbres. Dieu te révèle ce qui se fait dans l'église. Tu connais, tu as des révélations. Dieu te dit, voilà, il y a tel est sorcier, tel est sorcière. Dieu te révèle, tel est mystique, tel a fait telle chose. Tu peux avoir toute cette connaissance-là. Mais sans amour, ça ne sert à rien. C'est pourquoi il y a des gens parfois qui ont des dons, mais ce don-là, au lieu d'édifier, mais ce don provoque la division dans l'église. Voyez. Parfois, Dieu peut te révéler certaines choses, mais Dieu ne te demande pas d'aller partager ou d'aller divulguer cela. À quoi ça sert d'humilier quelqu'un? On a entendu qu'il y a des gens qui ont dévoilé les péchés de certaines personnes. Oui, dans l'église. Je dis, oui, Dieu me révèle qu'un frère tel, toi qui es habillé en blanc, tu vis dans l'impudicité, viens maintenant ici, te repentir, ainsi de suite. Il y a des gens qui disent, Dieu m'a révélé que le pasteur, il vit dans l'immoralité. Le pasteur, oui, Dieu n'a pas approuvé. Ça peut être vrai. Mais est-ce que vous pensez que ça va édifier les gens d'humilier quelqu'un en public, d'humilier les pasteurs en public? Où est l'amour? Voyez, quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité ou l'amour agapé, je ne suis rien. C'est-à-dire, ça n'a pas d'importance devant Dieu. Tes dons spirituels, tes dons de guérison, tes dons d'opérer des miracles, sans amour, ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'importance devant Dieu. C'est pourquoi la voie par excellence pour aspirer aux dons spirituels, c'est l'amour. Deuxième vérité, il y a 12 caractéristiques de l'amour agapé. Si quelqu'un veut savoir s'il a réellement l'amour, il y a 12 éléments importants. Et chacun de nous peut s'examiner pour voir combien il a sur 12. Premier élément, l'amour est patient. Quand tu as l'amour, tu seras patient vis-à-vis de quelqu'un. Même si à côté de toi, ton mari est dur de caractère, ton mari, ta femme est difficile, un de tes fils est difficile, tu seras patient. C'est ça l'amour. Deuxièmement, l'amour est plein de bonté. La bonté, c'est cette disposition que nous avons de faire du bien à quelqu'un. Troisièmement, l'amour n'est point envieux. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas envier sa voiture, tu ne vas pas envier son mari, tu ne vas pas envier ses biens, tu ne vas pas envier sa femme. Quatrièmement, l'amour ne se vante point. Tu te frappes la poitrine. Oui, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. C'est moi qui ai offert ce don au pasteur. C'est moi qui ai acheté les instruments de musique. L'amour ne se vante pas. Parce qu'à ce moment-là, si ce n'est pas pour Dieu que tu as fait pour toi-même. Cinquièmement, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Vous voyez, même au niveau des dons spirituels, il y a des dangers d'être orgueilleux. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens, quand Dieu commence à l'utiliser, peut-être pour chasser les démons, tu as prié pour quelqu'un, il est malade, et tu commences à mépriser maintenant les anciens. Tu ne veux plus écouter les gens, tu ne veux plus te soumettre au pasteur, tu deviens orgueilleux. Faisons attention, l'orgueil précède la chute. Lorsque tu as l'amour, tu ne dois pas développer l'orgueil. Sixièmement, l'amour ne fait rien de malhonnête. Quand tu as l'amour agapé là, tu ne dois pas faire des choses dans la malhonnêteté. Septièmement, l'amour ne cherche point son intérêt. Celui qui a l'amour agapé là, au lieu de chercher son intérêt, il va chercher l'intérêt de l'autre. C'est ce qui se passe souvent dans le mariage. Comment veux-tu? C'est toi seul, tu achètes toujours tes habits. Mais tu ne penses pas à ta femme, tu ne penses pas à ton mari, tu ne penses pas aux autres. Ça, ce n'est pas l'amour agapé. Huitièmement, l'amour ne s'irrite point. Quand tu as l'amour, tu seras lent à la colère. Mais toi, tu te fâches facilement. Toujours quand quelqu'un fait même un petit rien, tu t'irrites. Non, ça, ce n'est pas l'amour. Neuvièmement, l'amour ne soupçonne point le mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas toujours soupçonner le mal. Je vais parler à une femme. Dès que ton mari rentre au-delà de 20 heures, tu commences à soupçonner. Est-ce que tu as des preuves? Vous voyez, parfois ce n'est pas toujours vrai. Tu soupçonnes toujours le mal, tu soupçonnes les autres, tu soupçonnes. L'amour ne soupçonne point le mal. Dixièmement, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Donc tu ne peux pas soutenir quelqu'un qui vit dans le mensonge, vous voyez. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Nous connaissons l'histoire d'Ananias et Saphira. Oui, Saphira a soutenu son mari qui a menti au Saint-Esprit. Vous voyez, ça ce n'est pas l'amour. Onzièmement, l'amour se réjouit de la vérité. Vous voyez, c'est la vérité. Tu dois être du côté de la vérité. Tu ne dois pas être du côté de l'injustice, du mensonge. Par exemple, au niveau de ton travail, il y a des gens qui font une réunion pour comploter contre un collègue en disant, on va faire une pétition, on va soutenir telle chose, on va mentir pour qu'on puisse les renvoyer. Mais toi, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas, si tu as l'amour, tu ne peux pas soutenir cela. Tu ne peux pas soutenir ce qui est injuste. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Tu dois dire la vérité. Tu dois être du côté de la vérité. Et 12, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Vous voyez? Ça veut dire quand tu as l'amour, c'est vrai, tu peux avoir des défaillances des autres. Tu as quelqu'un, tu as un mari difficile, tu as une femme difficile, tu as un collègue qui est difficile, tu as un patron qui est difficile. Mais si réellement tu as cet amour agapé, tu vas excuser. Tu vas pas dire, bon, ça c'est la première fois, la deuxième fois, je ne peux plus excuser ça. Elle excuse tout, elle croit tout. C'est-à-dire que tu crois que quelqu'un peut changer. Même si ton mari, on dit que vraiment, celui-là, il ne peut plus se convertir. Parce que il est vraiment quelqu'un de Dieu. Mais il faut croire. Parce que la puissance de Dieu est là. L'amour croit tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu peux encore prier pour lui, pour dire, Seigneur, je sais que tu es capable de changer. L'amour croit tout. Elle espère tout. Elle espère que les choses peuvent changer. Elle supporte tout. Vous voyez, combien as-tu sur 12, mon ami? Que Dieu nous aide à développer réellement cet amour agapé. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même à la vie, il nous atteint pour les péchés de l'autre monde. Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne, aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser des langues dans tous les ondes, change le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout l'amour du Père vers et arrive les hommes et remplirait les places entières de ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ce trône. Ce roi, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu, que rien ne lasse pour nous encore vivra. Le miracle de sa grâce amène, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est les chants font entendre les anges et Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Amen. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 7. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous allons prier le Seigneur pour que réellement le don spirituel soit utilisé dans l'amour. Que les dons spirituels ne soient pas utilisés pour diviser l'église, pour déstabiliser l'église. Parce que nous venons de voir que nous pouvons parler en langue, nous pouvons avoir les dons de prophétie. Si nous n'avons pas l'amour agapé, la charité, cela ne sert de rien. Prions le Seigneur. Père éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Papa, parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés ce matin. Ce n'est que par ta grâce. Nous exprimons chaque matin notre reconnaissance pour tous tes bienfaits, parce que c'est toi qui donnes le sommeil et c'est toi qui nous réveilles de notre sommeil. Nous prions ce matin. Nous sommes toujours dans le cadre des dons spirituels et nous demandons, Père, que les dons spirituels puissent s'exprimer au sein de nos différentes communautés dans l'amour. Que les dons spirituels puissent s'exprimer pour l'édification du peuple de Dieu. Que les dons spirituels puissent s'exprimer dans la crainte de l'Éternel. Tu nous as accordé ces dons pour l'édification de ton peuple. Tu nous as accordé ces dons pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est pourquoi nous prions et nous déclarons que tout orgueil, toute élévation dans l'expression des dons spirituels soit ôté de nos communautés. Nous prions dans le nom de Jésus et nous déclarons que ceux qui reçoivent les dons spirituels et les expriment dans l'amour, que tout orgueil soit ôté de leur vie. Nous disons merci, Père éternel, pour ces dons que tu nous accordes et pour ton amour. La Bible déclare dans Romains chapitre 5 que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous prions ce matin afin que l'expression des dons spirituels que tu nous as accordés soit accompagnée de l'amour de Dieu qui a été déversé en nous. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir plusieurs caractéristiques de l'amour. Nous venons de voir que l'amour est patient, plein de bonté, n'est point envieux, ne se vante point et ne s'enfle point. ne fais rien de malhonnête. Tu vas prier le Seigneur. Si tu te rends compte que dans cette liste-là, il y a quelque chose qui fait défaut dans ta vie, tu vas prier pour demander pardon. Et tu vas prier pour demander au Seigneur de te communiquer réellement cet amour au nom de Jésus. Gloire à toi ce matin, honneur à toi, acclamation à toi, élévation à toi, parce que tu es le Dieu vrai, le Dieu véritable, le Dieu vivant, le Dieu d'amour. Ces qualités dont on parle, c'est l'amour agapé que chacun doit manifester dans la vie, dans sa vie, dans son foyer, là où nous vivons. L'amour supporte tout, l'amour croit tout, l'amour ne cherche pas son intérêt. Seigneur, la liste est grande, mais aujourd'hui, il y a d'autres qui manifestent d'autres qualités et ne manifestent pas d'autres qualités. Nous voulons te prier ce matin pour que cela soit, c'est difficile, mais avec la grâce de Dieu, avec l'apport du Saint-Esprit, avec la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies, nous devons faire des efforts, fournir des efforts, manifester les qualités de l'amour agapé à l'égard de Dieu, à l'égard de notre frère, pour ne pas le choquer, pour ne pas chercher à le détruire, pour ne pas chercher à lui faire du mal. Seigneur, nous devons supporter, nous devons aimer. Jésus nous a aimés, il s'est sacrifié pour nous, il a versé son sang pour nous. C'est cette qualité qui doit nous animer. Nous devons imiter le Seigneur dans l'amour que nous devons manifester. Nous t'appelons au secours. Nous t'en supplions, surtout dans nos foyers, où il y a souvent des étincelles, où il y a souvent des difficultés, où il y a souvent des incompréhensions au travail, entre frères et sœurs, dans la cour, partout où nous sommes. Nous prions que tu nous aides, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous allons continuer à prier encore pour d'autres caractéristiques de l'amour. Nous venons de voir que l'amour ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son propre intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout et excuse tout. Nous allons prier le Seigneur pour que ce que nous venons de voir se développe en nous, que nous ayons cette capacité d'aimer, de ne pas être toujours égoïste, de rechercher les intérêts d'autres personnes, que nous puissions supporter ceux qui sont difficiles, que nous puissions pardonner, que nous puissions espérer que Dieu peut les changer. Et si tu as quelqu'un peut-être que tu supportes difficilement, ça peut être ton mari, ta femme, ton fils, un voisin, tu vas prier pour lui. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous bénissons encore ton nom ce matin pour ce privilège que tu nous as donné. Merci Père parce que tu nous as tellement aimé que tu nous as donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Merci donc pour ce grand don. Merci pour ce grand commandement. Merci Seigneur notre Dieu pour ce fruit de l'esprit. Merci pour cette grâce qui est l'amour. L'amour, tu as dit qu'il est patient. L'amour est bon. Il n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux. Il n'est pas égoïste. Il ne s'irrite pas. Aujourd'hui, tu dis que l'amour n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour permet de tout supporter. Il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour permet de tout supporter. Seigneur, nous voulons supporter tous ceux qui sont difficiles autour de nous. Notre mari qui est difficile, nous voulons le supporter. Accorde encore l'amour et plus d'amour à cette femme. Nous voulons que tu aides encore ce couple à supporter leur enfant qui est difficile. Accorde-les de l'aimer encore. Et en priant, certainement l'amour va faire changer cet enfant rebelle. Seigneur, nous prions que tu nous donnes d'aimer ce patron qui est difficile. Père, ce n'est pas facile, mais donne à cet employé de l'aimer. Donne à cette femme d'aimer son patron encore, de supporter son patron selon Dieu. Merci pour ce vertu, ce fruit de l'esprit que tu libères dans nos vies. Merci pour cet amour qui restaure nos vies. Merci pour l'onction qui accorde le don de l'amour pour que nous manifestons ta grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levez vos mains et recevez la bénédiction du jour dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier pour ceux qui ont un rendez-vous, des stages ou des demandes d'emploi. Au nom de Jésus, que votre rendez-vous soit concluant. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous. Que vous receviez la faveur de ceux qui vont vous interviewer, ceux qui vont vous recevoir au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui, il y ait quelqu'un qui signe un contrat et tu reconnaîtras que le Seigneur est un Dieu qui élève au nom de Jésus. Que là où l'ennemi vous a tendu des pièges, au nom de Jésus, que vous soyez délivrés et que l'ennemi lui-même tombe dans son propre piège. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous couvre par son sang et qu'il vous accorde la victoire sur vos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.